Chapitre 12. Le pas sur le côté est l'expression ultime du plus grand des pouvoirs. Pourtant, il a des limites. Impossible pour un dessinateur de se transférer dans un endroit qu'il ne connaît pas. Bien que... Élis Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Alget. Camille fut tirée du sommeil par un rayon de soleil matinal. Elle ouvrit les yeux. Seuls Edwin et Elana étaient réveillés et elle se demanda s'ils avaient dormi. Ils avaient allumé un feu. Une décoction odorante chauffait dans une casserole. Le maître d'armes mordait dans un morceau de pain d'herbe en observant impassible les falaises qui les surplombaient. Elana, la mine renfrognée, fixait également les hauteurs. « Les Faëls sont toujours là ?» s'enquit Camille en s'approchant. « Oui, » répondit Edwin. « Ils nous observent, mais ne font pas mine de vouloir descendre. »« C'est insupportable !» grommela Elana. Camille s'assit près d'eux. Les dentelles vives étaient aussi abruptes à l'est qu'à l'ouest. Elles s'élevaient d'abord verticalement sur une cinquantaine de mètres. Dalles lisses, sans traces de végétation. Puis un premier décrochement laissait deviner une plateforme de belle taille et la falaise repartait en une succession de plaques rocheuses et de vires minuscules. La passe de la goule s'ouvrait juste à côté du camp. La veille au soir, éreintée par la fatigue et l'angoisse causée par le combat contre les Raïs, Camille n'avait pas prêté attention au lieu. De jour, ils étaient vraiment impressionnants. Parfois à peine plus larges qu'un attelage, la passe était surplombée par des millions de tonnes de rocs qui écrasaient toute perspective. Le sol, qui ne voyait jamais le soleil, était dépourvu du moindre brin d'herbe. Salim se leva à son tour et s'approcha du feu. Il était difficile de résister à l'arôme de l'infusion que préparait Edwin le matin. Pourtant, il ne se précipita pas, comme à son habitude, sur le petit déjeuner. Il avait l'air préoccupé. « Que t'arrive-t-il, bonhomme ?» s'inquiéta le maître d'armes. Salim ne répondit pas immédiatement. Il se frottait pensivement les genoux et un tic imperceptible agitait le coin de sa bouche. Elana le regarda avec surprise. Elle se tourna vers Camille, qui fit une moue étonnée avant de s'asseoir près de son ami. Pour une fois, celui-ci ne sembla pas la remarquer. Il fixait ses mains en fronçant les sourcils. « Tu as eu raison d'agir ainsi. » Edwin avait parlé d'une voix douce et posée. Salim leva la tête. Tu as sauvé Bjorn, et même si le premier sang versé est difficile à accepter pour celui qui le fait couler, tu ne dois pas te remettre en question. Tu as agi comme il le fallait, et je suis fière de toi. Salim lui jeta un long regard reconnaissant, et Camille comprit. Elle se souvint de Salim la veille au soir, frappant avec la hache pour sauver la vie de son ami. Elle revit le lourd tranchant d'acier tuer le rail qui s'apprêtait à achever Bjorn. Salim avait agi dans l'urgence, puis il avait passé la nuit à ressasser son geste. Les paroles d'Edwin venaient de le libérer. Tuer n'est jamais un acte anodin, reprit le maître d'armes. Et seuls les monstres le font par plaisir. Il faut éviter de donner la mort, respecter la vie avant tout. Mais nous sommes en guerre et tu as sauvé ton ami. Je te fais confiance pour que tu ranges cet événement à sa juste place, sans oublier... mais sans dramatiser non plus. Un sourire naquit peu à peu sur le visage de Salim. « Merci, Edwin, » dit-il simplement. Elana avait recommencé à scruter la falaise. « Je ne supporte pas d'être épiée, » cracha-t-elle. « Pour qui se prennent-ils? Je ne suis pas une bête de foire !»« Les Faëls, tu le sais, ont souvent tendance à considérer les humains de haut, même si pour eux, ce n'est que simple moquerie. » Ils font preuve d'une grande agilité, poursuivit-il pour Salim. Et se percher au sommet d'un rocher qui nous est inaccessible les amuse sans doute beaucoup. Ils doivent nous juger lourdeaux et en rire. Ils ne pourront plus nous espionner lorsque nous serons partis, relativisa Camille, étonnée par l'attitude d'Elana. Tu seras bientôt tranquille. Je n'ai pas prévu le départ avant cet après-midi, la contredit Edwin. Nous avons besoin de repos, surtout les blessés, les chevaux aussi. Elana bondit sur ses pieds. « Dans ce cas, je vais leur expliquer le fond de ma pensée. » Avant que quiconque ait pu dire un mot, elle s'élança sur la paroi rocheuse et en quelques secondes, s'éleva de plusieurs mètres. Ses gestes étaient assurés, sa progression parfaite. Elles saisissaient de minuscules prises, comme si elles avaient été des marches taillées dans le rocher, et utilisaient son étonnante souplesse pour atteindre les meilleurs appuis. « Super génial, top !» s'exclama Salim. « Il faut que j'essaie ça !»« Non !» cria Edwin. Mais Salim était déjà hors de portée. Il se hissa sur les premiers mètres de la paroi, plus en force qu'en finesse, mais avec une efficacité certaine. Il avait déjà escaladé des façades d'immeubles, jamais des falaises naturelles. Les sensations qu'il découvrait étaient nouvelles et grisantes. Son corps entier participait à l'action, chacun de ses muscles influant sur l'équilibre et la progression. Il cala une main dans une fissure et leva les yeux. Elana progressait beaucoup plus vite que lui et la distance qui les séparait croissait rapidement. Il jeta ensuite un regard en bas et sa confiance s'émietta. Il s'était élevé d'une quinzaine de mètres. Une chute sur les rochers au pied de la falaise serait mortelle. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing au creux de l'estomac. Ses jambes se mirent à trembler. Edwin émit un sifflement bref et strident. Elana cessa de grimper et regarda dans leur direction. Lorsqu'elle aperçut Salim crocheté à la paroi, elle poussa un juron. Elle redescendit à une vitesse incroyable la portion de falaise qu'elle avait gravie. Elle ne saisissait les prises qu'une fraction de seconde, se laissant parfois tomber de plus d'un mètre vers un appui infime. Elle parvint en un instant près de Salim, qui n'en pouvait plus. Ses jambes tremblaient de plus en plus, et ses mains, trempées de sueur, glissaient sur le rocher. Il se préparait mentalement à la chute, lorsqu'Elana lui attrapa le poignet. « Qu'est-ce que tu fiches là ? » grogna-t-elle. À cet instant, les dernières forces de Salim l'abandonnèrent. Il leva un regard désespéré vers Elana et bascula dans le vide. La jeune femme verrouilla ses doigts sur son poignet, se préparant au choc qui n'allait pas manquer de la secouer. Quand il arriva, elle crut que le poids de Salim l'arrachait à la falaise. « Accroche-toi, bon sang !» cria-t-elle. Mais le rocher près de lui était parfaitement lisse. Salim glissait en cherchant en vain un appui. Ses mouvements désordonnés manquaient à chaque instant priver Elana de son fragile équilibre. Il gesticula ainsi une poignée de secondes avant qu'elle ne lui ordonne d'arrêter. La jeune femme se tenait d'une main et ses pieds reposaient sur une minuscule saillie. Une corniche large d'une dizaine de centimètres courait sur la falaise, un mètre sous Salim. Elana prit une profonde inspiration. La vie imposait régulièrement des prises de décision où tous les choix étaient mauvais. Sa formation lui criait d'abandonner le garçon, de préserver les secrets de la guilde. Elle n'en fut pas capable. « Salim, articula-t-elle, écoute-moi bien. Attrape mon poignet, à demain si possible. Et quoi qu'il se passe, tiens bon, compris ?» Le garçon, incapable de parler, hocha la tête. « Vas-y !» lui ordonna-t-elle. Salim saisit le poignet d'Elana. Elle fut soulagée de sentir sa force. « L'autre main maintenant !» Elle ouvrit les doigts. C'était le moment le plus périlleux. Salim faillit lâcher prise, mais réussit à happer le poignet d'Elana. Il se balança un instant dans le vide, suspendu au bras de la jeune femme. Il se demandait à quoi rimait cette opération. Qu'il tienne Elana ou qu'Elana le tienne, il allait s'écraser en bas, mourir. Puis, il y eut un chuintement doux, tout près de ses mains. Et Salim ouvrit des yeux stupéfiés. La marche ombre avait fermé le poing et deux courtes pointes d'acier brillant avaient surgi entre ses premières phalanges. Salim ne put retenir un cri de surprise. Les lames sortaient directement de la peau d'Elana, comme si elles faisaient partie intégrante de son corps. La jeune femme tendit le cou pour observer la situation. Elle choisit soigneusement une minuscule anfractuosité et y engagea les deux pointes. L'acier pénétra de toute sa longueur, soit presque 5 cm, dans l'interstice, avant de se verrouiller avec un bruit sec. « C'est parti !» cria-t-elle, et elle abandonna sa prise haute. Salim poussa un hurlement, repris 15 mètres plus bas par Camille, qui contemplait la scène en se mordant les lèvres. Pourtant, la chute d'Elana s'arrêta net. Ils étaient maintenant retenus par les deux pointes métalliques fichées dans le rocher. Elana n'était plus au-dessus de Salim, mais à côté de lui. Et elle disposait d'une main libre. Elle saisit le poignet de Salim et d'une secousse, lui fit lâcher prise. Le garçon poussa un deuxième cri. Il se trouvait de nouveau suspendu dans le vide, retenu simplement par la poigne de la jeune femme. Sauf que la corniche était devenue accessible. Salim y posa un pied, puis l'autre. Il plaça ensuite ses doigts sur des prises confortables. Lorsqu'il fut bien assuré, Elana le lâcha avant de descendre jusqu'à lui. Salim regarda la main gauche de la jeune femme. Les pointes d'acier avaient disparu. Un filet de sang coulait entre ses doigts. « Tu es blessé ?» s'inquiéta-t-il. « Ce n'est rien, » le rassura-t-elle. « Mes lames sont des outils de précision, pas des piolets. Et la greffe n'a pas été conçue pour supporter de pareils efforts. J'espère qu'elles ne sont pas abîmées. « C'est génial !» explosa Salim. « C'est... tais-toi !» La voix d'Elana était froide et tranchante. « Avant que je te passe un savon pour t'être lancé là-dedans, tu vas devoir prendre une décision importante. Peut-être la plus importante de ta vie. Mais tais-toi, je t'ai dit. Ce que tu as vu est l'un des secrets les mieux gardés des marches sombres. Des hommes sont morts pour l'avoir percé. » « Pas de problème, » lança Salim d'une voix mal assurée. « Je n'en parlerai à personne. Ça ne suffit pas. Je t'ai dit que tu aurais une décision à prendre. Quand les figés seront libres, tu viendras avec moi. Tu me donnes 3 ans de ta vie, sans possibilité de changer d'avis, de te plaindre ou de discuter. Sinon, tu sautes. » Salim regarda Elana dans les yeux. La jeune femme ne plaisantait pas. Elle était même mortellement sérieuse. Il avala sa salive avec difficulté. « Je n'ai pas vraiment le choix. » « On a toujours le choix. Tu as voulu te lancer dans quelque chose de trop difficile pour toi. Si tu étais resté en bas, rien ne serait arrivé. Pourquoi m'avoir sauvé alors ? Parce que tu en vaux la peine et que je te crois digne de suivre un véritable enseignement. Mais je ne prendrai pas la décision à ta place. Je préfère que tu t'aplatisses au pied de cette falaise. » Salim vit soudain un avenir chatoyant s'ouvrir devant lui. Fait d'aventures, d'escalades et d'exploits. Elana lui proposait-elle de devenir un marchombre ? C'est d'accord, finit-il par dire. Je suis partant. 3 ans, Salim, et je te promets que ce ne sera pas de la rigolade. Je t'ai dit que j'étais d'accord. À son tour, Elana regarda le garçon au fond des yeux. Il était sincère, solide, et ne revenait jamais sur une décision. Elle sourit. Alors, décida-t-elle, on commence tout de suite. Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? La jeune femme se pencha vers Edwin et Camille, toujours plantées en bas, tête levée. Tout va bien, leur cria-t-elle. Mais la descente est trop périlleuse. Nous continuons vers le haut et nous trouverons un autre passage pour revenir. Ne vous inquiétez pas. Puis, elle se tourna vers Salim. Allez, monte ! Avec efficacité et élégance, si tu ne veux pas que je te botte les fesses. Salim inspira longuement et saisit une première prise. Sa vie venait de prendre un virage important, à l'image de celui qu'elle avait emprunté lorsqu'il avait décidé de ne pas rentrer chez lui. Il était heureux. Au pied de la falaise, Camille se tourna vers Edwin. « Que font-ils ? » lui demanda-t-elle. « Ils continuent, tu l'as entendu comme moi. » Le maître d'armes ne semblait pas soucieux. Camille s'obligea à quitter les grimpeurs des yeux. Elle avait confiance en Elana, son amie ne risquait plus rien.